pense que notre technicien, il essaie de se faire repérer par quelqu'un de Radio-Canada. Je pourrais passer à un moment donné. Avec un départ comme ça, la conférence est mieux d'être bonne. Alors, les mondes parallèles. J'ai souvent eu des questions lors des conférences et on me demandait qu'est-ce que c'était les mondes parallèles et on me demandait aussi d'expliquer un peu mieux ce que je voulais dire par monde parallèle. De temps en temps, on parle de dimension et de temps en temps, on parle de monde parallèle. Et il y a une différence entre une dimension et un monde parallèle. Une dimension, c'est un état révélé de la matière. Alors, il y a trois dimensions matérielles dans notre monde ou dans notre monde parallèle. Il y a la hauteur, la largeur et la profondeur. Une quatrième dimension unit tout cela, c'est le temps. On est donc dans un monde à quatre dimensions. Par contre, le monde de la mort, qui est un monde parallèle, a aussi quatre dimensions, les mêmes. Alors, il y a une nuance entre une dimension et un monde parallèle. Le monde parallèle, c'est un endroit ou, disons, une condition dans laquelle peut être révélée de l'énergie. Et cette énergie peut être révélée sous forme de dimension. Alors, pour définir très rapidement, qu'est-ce que deux mondes parallèles? C'est simplement deux mondes qui ont le même espace-temps et qui ne sont pas en relation apparente dans les dimensions dans lesquelles ils sont révélés et que ça paraît compliqué. Alors, bref, un monde parallèle, qu'est-ce que c'est? Si présentement, on aurait une chaise parallèle dans la salle, on pourrait avoir deux personnes assises sur la même chaise sans que les deux personnes ne se rencontrent, sans qu'ils ne se touchent, sans qu'ils ne se nuisent et possiblement même sans qu'ils ne vivent de relations entre elles. Étant donné que nous avons l'impression de vivre dans le même monde, lorsqu'une personne est assise sur une chaise, si on veut s'asseoir sur la chaise, on va s'asseoir sur la personne ou on devra la jeter à terre avant. Tandis que dans un monde parallèle, lorsque deux chaises cohabitent dans le même espace-temps, mais dans des mondes parallèles, ça permet à un individu d'un monde de s'asseoir sur cette chaise et à un individu d'un autre monde de s'asseoir aussi sur la même chaise, sans que les deux ne se touchent, même s'ils sont assis à la même place en même temps. Ce que ça veut dire un espace-temps. Alors, je vais vous relater une histoire. C'est passé en Angleterre, il y a de cela quelques années, une quatre-vingtaine d'années, et où on a pu assister, et ça arrive de temps en temps, où on assiste à la fragmentation de notre monde à nous, fragmenté, et lentement, il va s'associer sur une autre partie du même monde, créant un monde parallèle à partir d'un même monde unitaire. Alors, ça se passait en Angleterre, et il y a eu à l'époque suffisamment d'écrits sur ce phénomène. Il y avait un bateau de pêche, un bateau qui marchait à voile, et ce bateau avait jeté l'ancre près des côtes britanniques, et on avait commencé à jeter les filets. Lentement, le temps a commencé à devenir maussade, et on prévoyait une tempête. Alors, les marins ont décidé de lever l'ancre, parce qu'on ne reste pas à l'ancre près des côtes lorsqu'une tempête vient, soit qu'on rentre au port, soit qu'on s'éloigne vers le large. Mais l'ancre est restée accrochée dans le fond de l'océan. Ils étaient sur le bord des côtes. Le fond de l'océan était peut-être à 300-400 pieds. Alors, ils ont tout fait pour remonter l'ancre et l'ancre restait accrochée à quelque chose. Alors, ils ont mis une embarcation à l'eau, il y a un orin qui va après l'ancre, ils ont tiré, ils ont essayé différentes techniques, ça ne marchait pas. Alors, ils ont dit, on va envoyer quelqu'un qui va plonger, qui va aller déloger l'ancre. Pendant ce temps, sur la côte, enfin, sur les terres britanniques, on était dimanche, il y a un prêtre qui donnait une messe. Et à l'église, il y avait des fidèles. Il y avait des fidèles, puis il y avait quelques personnes aussi. Quelques autres. Et à un moment donné, les cloches du clocher se sont mises à sonner tout seules. Pendant la messe. Ce qui a dérangé les fidèles, le prêtre, et fait rire les autres. Alors, le prêtre et les fidèles, ainsi que les autres, sont sortis en courant pour voir qu'est-ce qui faisait sonner les cloches. Le marin qui plonge de son bateau et qui descend dans l'eau remonte au bout de 15 minutes. Remonte au bout d'une minute et demie. On ne compte pas tous les détails dans l'histoire. Et quand il remonte, il est bleu. Alors là, on le ressort de l'eau et il raconte ce qui s'est passé. Il a failli se noyer. Et on va couper carrément la chaîne de l'ancre à coups de hache, abandonnant l'ancre là. On lève les voiles, puis on sacre son camp. Et l'histoire ne dit rien. Le marin était un peu cinglé, enfin. Sauf que l'histoire du marin coïncidait avec une autre histoire, celle où des gens sont sortis d'une église. Et en sortant, ils ont vu une immense ancre plantée dans le clocher, avec une chaîne qui montait jusqu'à un bateau qui flottait quelques centaines de pieds dans les airs. Ils ont vu un gars déplonger dans l'air, nager dans l'air jusqu'à l'ancre. Et les personnes qui étaient là, les fidèles et quelques autres, ont monté sur le clocher. Ce n'est pas des clochers qui sont sur l'église, c'est un clocher plus bas. Ils ont monté sur le clocher et ils ont tout fait pour empêcher le bonhomme de s'en aller. Ils voulaient lui poser des questions. Et lentement, le curé a vu que le gars était en train de mourir. Alors, il a réussi à convaincre ses fidèles de le lâcher. Alors, il a remonté jusqu'à son bateau. Et quand il est sorti, bien, il a conté à l'équipage qu'il est descendu dans le fond de l'eau. Il a vu une église dans le fond de l'eau. Il a essayé de décrocher l'ancre, mais il y a un paquet de monde qui sont sortis de l'église, qui l'ont accroché. Là, il était en train de se noyer, puis finalement, ils l'ont relâché. Alors, il est remonté jusqu'en haut. Le problème, c'est que dans ce village, on en a parlé du bateau qui flottait et du gars qui est venu nager dans l'air pour décrocher une ancre. Sauf que dans le port d'attache de ce bateau, ça s'est parlé un peu aussi. À l'époque, on était encore superstitieux. Et il se trouve que les personnes qui ont voyagé d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, d'un village au port, ont finalement découvert qu'il y avait une relation majeure. Le bateau qu'on a vu dans ce village-là, bien, il y a un gars qui dit avoir vécu quelque chose qui s'y rattachait. Un monde parallèle, c'est quelque chose dans le genre. Le gars plonge dans l'eau et dans l'eau, il voit une église. Les gens de l'église sortent et dans l'air, il voit un bateau. Sauf que le bonhomme qui plonge est dans son monde à lui. Donc, nécessairement, il est dans l'eau. Il ne peut donc pas respirer l'eau, c'est-à-dire l'air des fidèles. Et les fidèles qui sont à terre, eux, respirent de l'air. Et ils se demandent comment le gars fait pour nager dans l'air. Parce que vraisemblablement, il semble nager. Il est arrivé d'autres phénomènes du genre. Plus fréquemment, sur les côtes de la Nouvelle-Écosse, donc au Canada, il y a un bonhomme qui est marin et qui s'éloigne. Il est engagé dans la marine canadienne. Et à un moment donné, il reste aux États-Unis, il devient citoyen américain. Et par la suite, il est réengagé par l'armée américaine, par la marine. Quelques dizaines d'années plus tard, il meurt près de Los Angeles, au large. Et il est immergé. Alors, on jette le corps à l'eau, dans un cercueil de bois, sur les côtes du Pacifique, près de Los Angeles, enfin au large. Près de 8 mois plus tard, en Nouvelle-Écosse, un cercueil atterrit sur une plage. Et les personnes, des personnes relativement âgées, ben, vont voir c'est quoi, ils se rendent bien compte que c'est un cercueil. Et il y a une inscription dessus. Un nom, et le nom, c'est le nom de leur fils. Et le cercueil est revenu à domicile. La question, et ça, maintenant, le cercueil est enterré en Nouvelle-Écosse. Le problème qui se posait, c'était simplement de savoir s'il avait passé les écluses de Panama ou s'il avait passé par l'Arctique ou par le Cap Horn. Ou s'il avait simplement traversé d'un océan à l'autre, à travers une dimension ou à travers un monde parallèle plutôt particulier. Les Américains ont fait énormément de recherches avec leurs sous-marins nucléaires, avec aussi des corvettes nucléaires. Et ils ont eu de grands problèmes parce que les bateaux disparaissaient et réapparaissaient quelques secondes à quelques minutes plus tard. Les marins sentaient de graves brûlures et les marins avaient une tendance à disparaître et à revenir. On a un hôpital aux États-Unis qui s'occupe encore de ces personnages qui, de temps en temps, ont des gros problèmes. Un monde parallèle, c'est un monde comme le nôtre. À l'exclusive condition que par rapport au nôtre, nous ne pouvons pas le percevoir avec les sens qui sont directement reliés ou qui ont été créés dans notre monde. Donc, avec nos yeux, on ne peut pas voir un monde parallèle. Avec nos oreilles, on ne peut pas entendre un monde parallèle. Avec notre nez, on ne peut pas sentir un monde parallèle et on ne peut pas y toucher. Sauf lorsque les deux mondes semble cohabiter à un point tel que leur espace-temps va commencer à se courber l'un par rapport à l'autre, à s'imposer l'un envers l'autre. Et là, des humains normaux pourront découvrir des choses anormales d'un monde à l'autre. Le triangle des Bermudes est un phénomène intéressant. J'en ai déjà parlé dans une conférence. Les apparitions mariales aussi, c'est relié des mondes parallèles. Lorsque l'être humain meurt, il va dans un monde qui s'appelle le monde de la mort, qui s'appelle aussi le ciel, qui s'appelle aussi le monde astral. Donc, dans un monde parallèle. Un monde identique au nôtre, mais différent du nôtre. Par différentes expressions et pour quelques différentes raisons. Mais il y a autre chose. À la découverte des mondes parallèles, on peut aller découvrir des mondes comme le monde de la mort. Des mondes comme le monde moronciel, là où vont vivre les fantômes pendant un laps de temps. On peut aussi découvrir des mécanicités où se cachent certains phénomènes qui peuvent venir intervenir dans notre monde à nous pour motiver, malléabiliser, changer, transformer, imprégner des mouvements dans ce monde. Alors, lorsqu'une personne entend des bruits chez lui, le phénomène des esprits tapageurs, il y a une correspondance entre un monde parallèle et sa maison. Et bien souvent, c'est l'individu ou un des individus qui reste là qui inconsciemment crée ce contact. Mais il y a d'autres mondes parallèles plus intéressants, plus utiles à connaître. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un enfant voit un gnome, une fée, un lutin, un farfadet, l'enfant a accès par des sens vitaliques, pas des sens vitaux, pas des sens qui entretiennent la vie, des sens reliés au corps vital, à un monde parallèle intimement près du monde de notre planète, et il a accès à leur contact. Sauf que lorsque l'enfant grandit, étant donné que les êtres humains vieillissants voient leur corps et voient certains, le corps vital entre autres, s'assécher, puisé par l'âme qui tète continuellement à travers l'expression des émotions, ce corps, lentement les adultes perdent cette vision. Et étant donné que les adultes ont toujours été trop orgueilleux, ils ont toujours pensé que les enfants ne pouvaient savoir, connaître ou voir des choses qu'eux ne voyaient pas, alors ils éduquaient les enfants à cesser de voir, au nom de la bonne raison. Il y a des mondes parallèles très intéressants. Et dans ces mondes parallèles, il y a des expressions qui peuvent nous toucher. L'homme est un être multidimensionnel. Premièrement, il vit sur plusieurs dimensions et il vit aussi sous plusieurs mondes en même temps. Lorsque nous dormons, nous sommeillons. Lorsque nous nous endormons, nous partons dans un monde parallèle, le monde astral, le monde de la mort ou le ciel. Et dans ce monde parallèle, nous avons accès à différentes formes d'expériences. On peut rêver l'avenir parce que l'avenir est déjà accompli, donc on se rappelle le futur. On peut rêver le passé. Bien souvent, dans un rêve, on voyage dans les deux extrémités et on mélange le tout dans une réalité plutôt illusoire qu'on appelle le rêve. On se promène dans un monde parallèle. Si on regarde le corps physique, il a un monde, il est dans un monde parallèle très particulier, la hauteur, la largeur, la profondeur, et il vieillit, il est assujetti au temps. Mais la pensée est-elle tridimensionnelle? Est-ce que notre pensée a une hauteur, une largeur, une épaisseur? Bien souvent, l'homme pense d'une façon tridimensionnelle. Pourquoi? Parce que ce monde parallèle qu'est la pensée a été ajusté par la tridimensionnalité matérielle de l'homme. On le laisse le temps pour l'instant. Et finalement, l'homme pense comme il se conçoit. Si on retourne dans le passé, on se rend compte que les êtres humains ont pensé pendant longtemps avec une pensée à deux dimensions. Une pensée qui concevait la hauteur et la largeur, mais qui ne concevait aucune profondeur. Et nécessairement, cela empêchait l'homme de comprendre des mécanicités hautement utiles, des lois qui régissent son évolution, qui régissent le pourquoi de sa présence sur la planète Terre, qui régissent aussi pourquoi il souffre, pourquoi il est manipulé, pourquoi il n'a pas de libre arbitre réel. Il lui manquait une profondeur que l'on peut appeler de subtilité. À un point tel que tous les dessins, les tableaux, les peintures qui étaient faites étaient des phénomènes à deux dimensions. Alors, on n'avait aucune profondeur dans les tableaux de peinture, et on peut aller voir avant la Renaissance, puis on peut regarder les tableaux, les dessins qui ont été faits avant cela. L'homme exprimait dans le dessin la même chose que ce qu'il concevait au niveau de la pensée, quelque chose à deux dimensions. Subitement, un peu avant Léonard de Vinci, apparaît dans la peinture la troisième dimension, c'est-à-dire la profondeur. Et là, l'homme commence aussi à penser, à avoir une pensée qui maintenant englobe, dans la perception de certains mondes parallèles, une projection dans sa conscience matérielle une projection en trois dimensions. Ce qui permet donc à l'être humain de devenir plus subtil, plus génial. Alors là, il pourra concevoir des théories comme l'atome. Il pourra concevoir des théories expliquant l'univers. Disons au moins l'univers solaire, notre système solaire. Il pourra concevoir des théories psychologiques où on n'a pas juste du noir et du blanc, mais où on a toute une nuance entre cela. Et nécessairement, parce qu'il maintenant, il a une pensée à trois dimensions, il a maintenant la formidable possibilité de décoder des mondes parallèles. Le monde de la mort, le purgatoire, l'enfer, le ciel, il a la possibilité de décoder d'autres mondes parallèles qui gèrent la nature, qui gèrent simplement son évolution, et cela lui permet donc de recomprendre l'explication théologique ou cosmogonique de la Bible et des autres livres sacrés d'une façon tout à fait neuve. Alors, il y a les personnes qui, à l'époque, restent assujetties à la perception de bidimensionnelle des mondes parallèles. Ceux qui voient encore leur pensée seulement en hauteur et en largeur, ceux-ci vont engendrer l'Inquisition, ceux-ci vont engendrer un paquet de phénomènes pour interdire à l'homme de parler de cette troisième dimension de sa conscience, c'est-à-dire la profondeur. Lorsque l'on parle de monde parallèle, on doit nécessairement transformer la vision que nous avons des choses. Alors, il y a des mondes parallèles qui échappaient totalement à la conscience de l'homme, c'est-à-dire des mondes qui ne pouvaient pas être bien exprimés par l'homme, tant que l'homme avait une pensée bidimensionnelle. Lorsqu'il y a eu une pensée tridimensionnelle, la hauteur, la largeur, la profondeur, ce qui nécessairement s'est exprimé dans l'art, eh bien, il a pu amener d'autres choses. On parle d'autres mondes parallèles. Il y a des mondes parallèles qui, pour être exprimés convenablement, demandent une pensée quadri ou quintidimensionnelle. C'est-à-dire que lorsque nous parlons d'une chose comme celle-ci, il y a notre planète Terre qui vit dans un contexte très particulier. Mais toute la création, tout l'univers au complet, qu'est-ce que c'est? Pour arriver à comprendre le monde parallèle qui gère notre évolution et qui fait en sorte qu'on s'assujettit collectivement et qui fait en sorte finalement que chacun, on attend et on dépend des autres pour notre évolution, on doit développer dans sa conscience, c'est-à-dire dans sa pensée, suffisamment de mécanique pour pouvoir englober la nature de l'univers, donc la nature de ce qui est exprimé dans d'autres mondes que le nôtre, donc un monde parallèle. On doit développer une dimensionnalité de conscience plus vaste. Dans le séminaire, bien souvent, ce que j'explique aux gens, c'est où j'explique des choses qui sont difficiles à comprendre, mais qui ne font que faire travailler le système neuronique. Alors, l'individu est obligé, la pensée commence à se promener, puis elle essaie de comprendre des choses. Alors, je vais vous expliquer une chose qui est tout à fait reliée à des mondes parallèles, qui est utile de comprendre, parce qu'on peut parler des mondes parallèles ici ce soir pour passer le temps, pour apprendre des choses à jaser dans un salon. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'on parle de mondes parallèles qui peuvent nous être utiles, c'est-à-dire des mondes parallèles avec lesquels nous sommes déjà en contact, sauf que nous les exprimons d'une façon mal dimensionnée et l'expression devient une coloration des choses. L'amour en est un, l'intelligence en est un, il y a autre chose qui font partie inhérente à une expression dans un monde parallèle, une expression pure et parfaite, mais qui est exprimée dans une conscience très limitée présentement dans la majorité des humains, engendre des colorations dangereuses, comme l'amour psychologique, l'amour qui fait souffrir l'homme, la femme, l'amour qui finalement engendre les guerres, engendre la haine, la jalousie, la juste colère, puis un paquet d'autres imbécilités. Imaginons ceci. Imaginons que vous êtes assis présentement sur une chaise. D'ailleurs, c'est une réalité. Si on fait référence à un monde parallèle, donc si cosmiquement on regarde ce qui se passe présentement ici, vous êtes assis sur des chaises. Et dans le monde parallèle qui porte le nom de Terre ou d'actualité, vous allez tous dire, oui, c'est vrai, on est assis sur des chaises. Le problème, c'est que vous êtes assis sur une chaise, mais à côté de vous, il n'y a personne. Mais dans la collectivisation d'un monde particulier, le monde astral, qui engendre premièrement la conscience chez l'homme, vous êtes toutes reliées tellement que vous assemblez tous ces mondes parallèles dans un seul monde. Et là, on a l'impression d'être assis les uns à côté des autres, et moi d'être debout devant des gens. En réalité, vous êtes tous sur une chaise, dans un endroit où il y a peut-être d'autres chaises, peut-être pas, ça dépend de votre monde. Mais en résumé, vous êtes tous assis, seuls, sur une planète, seuls, et qui vous appartient de A à Z. Étant donné qu'un individu marche sur sa planète, biologiquement, donc physiquement, et que sa conscience est dans un monde parallèle où il est relié à un autre individu qui marche sur une autre planète, et que les deux sont tellement, mais intimement reliés que finalement, ils vont arriver dans leur conscience à amalgamer les deux mondes parallèles de façon à les juxtaposer. Alors, les deux individus pourront dire, « Mais tu es là. » Et l'autre répondra, « Ben oui, je suis là. » C'est évident. Ce qui fait que tant que l'être humain reste assujetti à une conscience tri- et quadridimensionnalisée dans l'expression de cette perception des mondes parallèles, il est toujours en train de s'imposer, lui, à l'autre. Donc, lorsque je viens pour m'asseoir sur une chaise, ou sur un autre monde, quelqu'un déjà assis dessus et dans l'amalgame de nos deux mondes, je le vois assis sur la chaise, je m'interdis carrément dans mon expression, je m'interdis de m'asseoir dessus la chaise. À un point tel que si je m'assois dessus, j'aurai toute l'impression qu'il faut parce que l'autre va voir que je m'assois sur lui, même si c'est faux, et sa conscience dans le monde astral va engendrer suffisamment de perturbations pour que moi, dans mon monde à moi, je le sache, et j'aurai l'impression de m'asseoir sur quelqu'un d'autre. Plus la conscience des humains unit les mondes parallèles ensemble, plus les humains deviennent vexables facilement, à un point tel qu'à un moment donné, vous pilez sur l'ombre de quelqu'un, il est convaincu que vous y êtes pilé dessus. Ce que je dis n'est pas insensé. Et c'est d'ailleurs à cause de ce que je viens de dire qu'il n'y a pas de libre arbitre. Parce que finalement, si je m'assois sur une chaise et que je conscientise qu'il y a quelqu'un, je ne peux pas m'asseoir dessus. Alors, mon libre arbitre, ma liberté, elle est immédiatement bâclée à l'instant où il n'y a plus qu'un humain sur une planète. Alors, si sur une planète, il y a un être humain, il est libre. S'il y a deux humains, le libre arbitre est divisé en deux. Et quand il y en a 5 milliards, quelques millions, bien nécessairement, on doit mettre des lois pour régir les apparences d'humains dans une apparence de monde unifié qui ne sont que des juxtapositions d'une panoplie de mondes ensemble. Le libre arbitre, il n'existe pas dans le contexte actuel de l'expression de l'humanité. L'homme un jour sera libre. Il a déjà une liberté de conscience, c'est-à-dire qu'il est capable de choisir. Mais ce qu'il choisit ne lui permet pas nécessairement de changer sa vie. Pourquoi? Parce que sa vie est collective. Alors, lorsque l'individu comprend que le travail qu'il fait est un travail où il se fait exploiter, alors il dit, « Bon, ben maintenant que je le comprends, j'ai le choix de continuer ou de lâcher. » Il est libre dans sa conscience, mais il n'est pas libre dans le choix. S'il lâche, il n'a plus de job. S'il continue, il continue d'être exploité. C'est comme quand on va aux élections. On ne vote pas pour le gars qu'on veut. On vote pour le moins pire de ceux qui se présentent. Alors, on peut faire un choix, mais on n'est pas libre. On ne peut pas dire, bien, moi, ce que je vois... Non, ça n'a rien à voir. Il y a trois là, qui se présentent, tu votes pour un des trois. Il n'y a pas un qui est bon, bien, tu votes pas. C'est le quatrième choix. Mais c'est pas un libre arbitre. Parce que l'humain reste assujetti à un point tel à l'illusion que tous les autres humains vivent dans le même monde que lui, il vit une évolution hyper collective et collectivisante. Votre vie est unique. Et il n'y a aucune personne qui peut voir le monde comme vous voyez le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le même monde que vous. Ce fauteuil est quelle couleur? On dit qu'il est noir. Il y a juste un problème chez ce fauteuil. C'est que, quelle couleur vous le voyez? La couleur que vous voyez, vous avez appris. Parce que la conscience amique, la conscience de l'âme de l'homme, provenant du monde de la mort, du ciel, et collectivisant les expressions dans les mondes parallèles de l'homme, instruit l'homme d'appeler sur cette perception de la même façon. Alors, vous avez tous appris à appeler cette perception noire. Mais quelle couleur le voyez-vous? Ça, je ne le sais pas. Si une personne voit ça d'une couleur qui me semble à moi jaune, elle va appeler le fauteuil noir, parce que cette couleur-là que je vois jaune, elle a appris à l'appeler noir. Un autre le voit vert, mais cette couleur vert que lui voit, il a aussi appris à l'appeler noir. Parce que tous ensemble, lorsqu'on le regardait, quelle que soit la couleur qu'on le voyait, on a appris que c'était noir. Alors, ensemble, on va regarder le couloir, voir le fauteuil de différentes couleurs, et tous dire « il est noir ». Et on a raison. Sauf qu'on ne sait toujours pas quelle couleur vous le voyez. On ne peut pas connaître le monde de l'autre. Tous les goûts sont dans la nature. C'est évident. Parce que le fauteuil que je vois ici, c'est peut-être absolument pas le fauteuil qu'un autre voit. Moi, je l'aime, l'autre, il ne l'aime pas. C'est évident. Une personne sort dehors, fait moins 10, elle n'a pas froid. Un autre sort dehors, fait moins 10, elle a froid. Le problème, c'est que sur sa planète, il fait combien? Sur le thermomètre, nous sommes d'accord pour voir la même illusion, voir la même chose. Mais est-ce que finalement, nous percevons la même chose? Alors, la science va dire, un instant, si on étudie l'œil de l'humain, on se rend compte qu'il y a des bottonnets qui déterminent la couleur et que nécessairement, les yeux étant similaires, on va voir les mêmes couleurs. Oui, mais le cerveau, est-ce qu'il décode ce qui est vu de la même façon? Puis la réaction subatomique au niveau des atomes qui constituent les molécules, qui constituent les cellules, qui constituent le cerveau, est-ce qu'ils transmettent à l'âme la même forme de vibration? Alors, il y a des mondes parallèles, comme celui dans lequel vit l'homme. Ce qui peut permettre à l'homme, lorsque l'homme est capable de comprendre la phénoménologie, le phénomène qui implique chez lui l'idée qu'il vit avec d'autres, lorsqu'à un moment donné, un bonhomme passait sur la planète Terre, le Nazaréen, et que sur son monde, il marchait dans le gazon, et que par juxtaposition des plans parallèles, les individus, eux autres, qui sont hyper collectifs, voyaient tous ensemble le même paysage, mais ce n'est pas le paysage de la planète du Nazaréen, mais c'est le paysage de la planète des humains. Alors, ils voyaient le bonhomme marcher non pas sur du gazon, mais sur l'eau. Et ils se disaient, comment l'eau peut-elle devenir solide sous les pas du Christ? Alors, c'est un miracle. Sauf que dans la conscience du Nazaréen, son monde à lui était parfait, et il marchait dans un monde parfait. Alors que dans la conscience des êtres humains, leur monde à eux est imparfait. Et étant donné qu'on est presque fiers de se collectiviser à dire la même chose, ben finalement, ça retarde énormément la perfection ou la perfectionnalisation des mondes, le perfectionnement des mondes, simplement par l'idée que chaque fois qu'un être humain ne veut pas avancer, l'autre qui est relié collectivement à sa conscience a de la difficulté aussi à avancer parce qu'il en déduit faussement qu'il doit attendre après la collectivité pour changer son propre monde. Alors qu'il n'a qu'à changer la vision que lui a de son monde. C'est-à-dire, si vous voyez le monde beau, il sera beau. Facile à dire, facile à faire. Le problème, c'est qu'on doit voir le monde beau. Mais si on voit le monde des autres, et qu'on essaie de se convaincre qu'il est beau, ça ne marche pas. Le monde ne changera pas. J'ai dit souvent en conférence qu'à un moment donné, il y aura sans doute une apocalypse. Mais il y a des humains qui ne la vivront pas. Parce que dans leur conscience, il n'y aura pas de place pour un apocalypse. Donc, dans leur vision de leur monde, il n'y aura pas de place pour un apocalypse. Donc, sur leur planète, il n'y aura pas d'apocalypse. Vous savez que l'homme reste tout à fait convaincu qu'il partage son monde avec les autres. Malgré que tous, vous n'avez même pas la même vision de ce fauteuil. Une personne dit, tu as vu comment sa femme ou son mari elle est? Comment elle peut faire pour rester avec? La chose, c'est que ce que tu vois n'est pas ce que la personne qui reste avec voit. Et on va dire, oui, mais si je prends une photo, on va quand même voir la même photo. On va voir la même photo, mais elle ne verra pas la même chose que toi. Et c'est pourquoi elle peut l'aimer. Et c'est pourquoi aussi, bien souvent, une personne l'aide, lorsqu'on apprend à la connaître, elle devient plus belle. Parce que notre vision se détache de l'illusion, du préjugé, du préconcept collectif, et lentement, la vision de notre personnage change. Plus on se collectivise, plus nécessairement on souffre d'un karma collectif. Parce qu'on accepte que ce qui se passe dans les autres mondes se passe aussi chez nous. Exactement comme si toutes les familles se chicanent, fait qu'on se chicane nous autres avec. On est une famille normale. Pas naturelle, peut-être pas intelligente, mais normale. Cela fait partie des mécanismes qui bloquent l'évolution de l'homme, la normalité. S'obliger à être d'accord que le monde que nous voyons ensemble est le même monde. Parce que sinon, on va souffrir une solitude absolument terrible. Mais elle n'était pas suffisamment dans ce monde atomique pour en subir les effets radioactifs. Il y a eu d'autres personnes qui ont vécu le même phénomène. Alors, on parle d'un miracle. Les religieux se sont emparés de l'affaire et ont dit que c'est parce qu'elle priait Dieu. Ouais, mais tous ceux qui étaient dans l'église sont morts. Et il y en a un autre qui était en train de travailler sur ses cochons, un japonais. Lui, il restait vivant. Ça prouve que Dieu est cochon, hein? Il y a juste qu'on vit dans des mondes parallèles, intimement reliés par notre conscience. Et lorsque l'être humain devient individuel dans sa conscience, plus il s'individualise, plus il a la possibilité de se rapprocher d'un libre arbitre, c'est-à-dire qu'il sera seul maître sur son monde. Alors, il pourra imposer la vision de son monde à la vision collective, astrale, du monde des autres. Et si les autres acceptent la projection de son monde, immédiatement, les autres changent la projection de leur monde ou la perception de leur monde et entrent dans un autre monde. Alors, il y a des pays qui ont des visions riches, ils sont riches. Il y a des pays qui ont des visions pauvres, ils sont pauvres. Il y a, en Écosse, une région très désertique, très aride, où rien ne pousse, où il fait froid plus souvent qu'autre chose. Et à un moment donné, des personnes qui ont une vision différente du monde vont voir le gouvernement et ils viennent têter. Ils disent, on veut une terre. On veut une terre, on veut faire une commune. Et le gouvernement se débarrasse d'eux autres en leur donnant la partie aride. Quelques années plus tard, le gouvernement veut la leur acheter parce que les fleurs, les plantes, les fruits, les légumes qui poussent là-dessus sont dans les plus gros de l'Écosse. Et cette région s'appelle Finorm. Les personnes ont eu simplement une autre vision du monde. Et dans une région où rien ne pousse, tout pousse. Et si le gouvernement achète, lentement, les choses vont cesser de pousser. C'est évident. Alors, un être humain atterrit sur la Lune, dans le LEM, module lunaire, et il voit un monde mort. Un autre humain atterrit sur la Lune, et lui rencontre des extraterrestres. Et un autre atterrit sur la Lune, et il jubile, il jouit. Le monde semble-t-il, extraordinairement beau. Trois êtres humains, trois visions de trois lunes différentes. Et nécessairement, ils pourront fonctionner ensemble. Alors, ils prennent une photo. Un dit, tu vois, c'est vide. L'autre dit, ben non, c'est génial. Puis l'autre dit, regardez l'ombre ici. Il me semble que tout le monde regarde l'ombre, personne ne voit rien. C'est sûr. À un moment donné, il y a un aviateur, peut-être que vous avez eu ça à l'école, qui a pris une photo de je ne sais plus quelle partie de la planète, et puis ça donnait le visage du Christ, apparemment. Quand on l'a amené, ben, il a fallu que je me force en maudit pour le voir. Mais quand on l'a vu, on la voit toujours. Ça va de soi. Alors, on vous montre un dessin, puis on vous dit, toi, c'est comme un pilier. Mais regarde comme il faut, c'est deux faces qui se regardent. Si tu as vu les deux faces, le pilier est bien dur à trouver. Si tu as vu le pilier, les deux faces sont bien dures à trouver. Quand tu les as vues, maintenant, ça va bien. Pourquoi? Parce que maintenant, tu sais dans quel monde aller lire, dans quel monde parallèle. Il y a d'autres mondes parallèles. Il y a un monde parallèle ou s'exprime dans un manque de dimension des consistances de cet univers. L'une des consistances majeures de l'univers est ce qu'on appelle l'amour. Et l'autre consistance de l'univers majeure est ce qu'on appelle l'intelligence. Et il y en a une troisième qu'on appelle l'intentionnalité. Théologiquement, on dit la volonté, le Père, le Fils, l'amour, et le Saint-Esprit, l'intelligence. Moi, c'est pas grave, les mots. Le problème, c'est que dans la conscience, limitée au niveau de l'expression des dimensions de l'homme, il exprime de l'amour coloré, de l'intelligence colorée, et nécessairement une volonté, un libre-arbitre illusoire, très coloré. Lorsque nous travaillons juste dans la gustation, goûter son monde, pas le monde des autres, son monde, eh bien, on change nécessairement sa planète. Donc, nécessairement, on change sa vie. Pourquoi pouvons-nous dire, prétendre, et c'est vrai, que plus il y aura d'êtres humains réunis ensemble à la même place pour changer le monde changera. Pour la simple raison que plus il y aura d'humains pour impressionner le monde astral qui collectivise la conscientisation du monde de tout le monde, plus le monde sera altéré et plus les individus qui vivent ce phénomène pourront changer de monde. Et lorsque je dis changer de monde, plus l'humain devient individuel, plus l'humain se conscientise, plus l'humain se rapproche d'un libre arbitre réel parce qu'il change son monde comme il le veut. Alors, il exprime, premièrement, un plan divin, mais pas une coloration créée par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. Un plan hautement divin, intentionnel, qui permet à l'humain de devenir intentionnalisateur, créateur, pour le vrai. Mais il permet en même temps d'exprimer une relation énergétique qui va constituer une espèce d'agglomération de la projection. Une agglomération qui va conserver tous les critères du monde créé par l'homme, rendu à cette étape. Et cette agglomération sera tellement puissamment reliée par une mécanicité énergétique qui porte théologiquement et psychologiquement le nom d'amour. L'homme aimera tellement son monde que son monde sera indestructible. Mais il y a un problème. C'est que l'homme a aussi un rôle dans l'univers. Alors si son cœur n'a pas d'intelligence, si l'amour qui exprime ce concept du monde n'a pas d'intelligence, alors il risque de créer un monde qui pourra venir mélanger la tête de ceux qui collectivement y sont assujettis, et il risquera d'engendrer des mécanismes très, très perturbateurs dans la conscience d'énormément de gens. Étant donné que l'être humain dans la création est relié par différents faisceaux, ce qu'on appelle les frères et les sœurs en esprit, à d'autres humains qui n'ont peut-être pas encore la même perception du monde, lorsqu'un être humain évolue, lorsqu'un être humain se rapproche du libre-arbitre, lorsqu'un être humain se rapproche d'une vraie liberté, un être humain doit nécessairement être capable d'intentionnaliser les choses, se changer pour commencer. On se change parce qu'on commence à exprimer une volonté divine, c'est-à-dire une volonté qui provient d'un monde parallèle, d'une dimension et un monde parallèle qu'on appelle le plan divin, non coloré par les facteurs astrales ou les facteurs psychologiques ou émotifs de l'âme. Et lorsque l'être humain est capable d'appliquer cela, il peut devenir intentionnel. Alors maintenant, il peut commencer à se changer. Se changer, il devra lutter. Il devra lutter contre la normalité. Il devra lutter contre sa vision collective du monde. Alors, il devra ne plus vivre les peurs que les autres vivent. Vous avez peur de l'apocalypse, vous risquez de la vivre. Vous êtes dans le monde où il y aura un apocalypse. Vous vous en foutez, c'est une fuite, vous risquez de la vivre. Mais chez vous, s'il n'y a pas d'apocalypse, mais pas dans le genre, pas d'apocalypse, moi je reste, je regarde mon vidéo puis je laisse aller. Non, ton vidéo appartient au monde où il y aura un apocalypse. Alors, si une bombe nucléaire saute à Montréal pendant que tu dors, c'est-à-dire pendant que ce n'est pas la volonté d'être toi, ah bien, tu es autre chose, tu es la collectivité, tu es normal, et tu seras bousillé normalement. Bon. Lorsque l'homme applique l'intentionnalité chez lui, il commence par se changer. Alors, il devient un peu son seul maître. Pas son seul maître contre et envers toutes les lois qui régissent la création. Son seul maître envers la façon dont lui va être capable de retourner vers le centre-source. La façon dont lui va voir le chemin pour s'en aller là où il percevra qu'il doit aller. plutôt que de suivre le chemin organisé, le chemin collectif, qui ne sont pas mauvais, mais qui ont de grandes lacunes. Quand il y en a un qui éternue, lentement, tous ont la grippe. C'est une lacune des chemins collectifs. Lorsque l'intelligence a du cœur, lorsque le cœur est intelligent et lorsqu'il y a une intentionnalité réelle chez l'homme, avant de changer le pot d'eau ou l'eau en jus de pomme, ce n'est pas ce qu'on boit, avant de changer ces choses-là, l'être humain doit arriver à se changer lui-même. Pourquoi il vieillit? Parce que dans la conscience collective, dans la conscience archétypée qui provient du début des temps, alors que la matière vitale n'était pas suffisamment orchestrée pour soutenir longtemps la conservation d'une mémoire, donc le corps vieillissait, et c'est pourquoi l'être humain a été sexué, de façon à projeter la vie dans une forme astrale, vitale, matérielle, mémorielle, neuve, les enfants. Et à travers des milliers d'années, des millions d'années, on a réussi à transmettre la vie jusqu'à temps qu'elle habite cette forme qu'on appelle notre corps. Mais pour que l'homme change, il doit se désassujettir d'immensément de choses qui font partie d'un monde parallèle, le monde de la mort, qui unit en lui des milliards de mondes parallèles sur lesquels vivent un des milliards d'individus qui cohabitent dans une projection collective de tous ces mondes parallèles en un monde, la Terre. Pour comprendre ce que je dis, on peut procéder de différentes façons. Si on a une pensée qui englobe plus que trois dimensions, la hauteur, la largeur et la profondeur, on vire ça de bord. À un moment donné, j'ai pris un globe terrestre, j'ai défait les petites goupilles, j'ai viré le globe de bord, puis j'ai remis cela et je l'ai mis sur une table. Et la première personne qui est rentrée, bien, je lui ai dit, « T'as vu, on a un nouveau globe terrestre. » Elle est allée voir, puis elle dit, « Oui, mais il est à l'envers. » À l'envers par rapport à quoi? Quand est-ce que la Terre est-elle à l'envers? Parce que c'est les humains de l'hémisphère nord qui ont fait les premiers globes et les premières cartes, ils ont mis le nord en haut. Mais la Terre est-elle comment? Elle tourne comme ça, elle tourne peut-être de même, puis le soleil est là. Elle tourne peut-être de même, puis le soleil est là. Elle tourne, bon, finalement. Mais parce qu'on a une vision très stéréotypée, très arrêtée, une vision où finalement on exclut tout le fantastique. Qu'est-ce que c'est le fantastique? C'est ce qui échappe aux collectivistes des mondes parallèles. C'est ça le fantastique. C'est quelque chose tout à fait possible, mais que l'humanité n'a pas réussi à empêcher. C'est ça le fantastique. C'est lorsque la collectivité n'a pas réussi à le détruire. On dit c'est miraculeux. On dit c'est fantastique. Ça nettoie les vite. Bon, un autre monde parallèle. Il y a le monde parallèle qui porte un nom plan divin. Il y a un monde parallèle qui porte le nom plan bouddhique, et un autre plan supramental, et un autre plan mental, et un autre plan astral, et un autre plan vital, et un autre plan physique, matériel. Et à travers ces différents mondes parallèles, il y a d'autres mondes parallèles. Donc, il y a plusieurs formes de mondes physiques. Mais ça n'empêche pas l'humain de dire, « Ah bien, sur Mars, on a envoyé une sonde, puis on n'a rien vu de vivant. » Dans le concept qu'on a de ce que doit être la vie, on va sur la Lune, il n'y a rien de vivant. Ah, il y a eu un temps où on écoutait le cœur d'une personne, puis elle était morte. Fait qu'on l'enterrait. Puis quand elle sortait du tombeau, bien là, on la tuait. Parce que c'était un vampire, c'était un revenant. Interdit par Dieu, alors là, on le tuait. Mais finalement, aujourd'hui, on écoute le cœur, ça ne bat plus. Pas grave, ça. On regarde les électroencéphalogrammes, le cerveau marche. Puis encore, on vient de découvrir un autre facteur, autre que le cerveau, pour déterminer une mort. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on laisse la chance. Alors on masse le cœur, on ventile les poumons de façon à alimenter le cerveau, et puis on attend. Parce que l'être humain n'est pas nécessairement mort. J'ai travaillé pour Urgence Santé pendant 5 ans, et j'en ai réanimé des morts qu'à l'époque on aurait enterrés. Il y a même une personne dernièrement dans un pays où on ne fait pas l'embaumement qui s'est réveillée dans son tombeau. À la messe. Et là, on lui a expliqué qu'elle était morte d'une crise de cœur, fait qu'on pensait, elle a fait une crise de cœur, puis elle est morte. en Italie. Comment pouvons-nous penser qu'un jour, sur cette planète, il y aura un monde où il y aura la paix, un monde où il y aura les facilités d'évolution, un monde où nous ne serons plus toujours confinés à devoir travailler pour vivre, un monde où on pourra se servir de la vie pour ce qu'elle doit servir, plutôt que pour la conserver, pour la perdre plus tard? Comment pouvons-nous prétendre arriver à vivre dans un monde comme ça si on reste toujours confiné à attendre après les Mexicains, après les autres Québécois, après les Soviétiques, après les Américains, après l'islam, après le catholicisme, après le bouddhisme, après le terrorisme international, après tout ça? Moi, quand je prends un avion, mon avion ne s'écrase pas. Je ne sais pas pour vous, mais le mien ne s'écrase pas. Et il y a des gens qui prennent l'avion et qui ont peur de s'écraser. Ils sont dans mon avion, il n'y a aucun problème. Par contre, si beaucoup de gens ont peur, ça peut s'écraser, ça peut ne pas s'écraser. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de on appelle ça la statistique, hein? Il doit s'en écraser tant par année, sinon c'est pas correct. Alors, êtes-vous dans la statistique ou pas? Les Boeing 747 sont les avions les plus sécuritaires. Les Douglas, les DC, DC-9, DC-10, sont des avions dangereux. Alors, à un moment donné, en 85, j'étais dans la jungle amazonienne et j'ai pris un avion. Et là, c'était l'année où les Boeing perdaient la queue, perdaient les roues, perdaient les ailes, perdaient les moteurs. Et là, je me suis dit, bien là, il y a assez de Boeing qui sont tombés. Je ne devrais pas me permettre les Boeing. La statistique prouve que. Par contre, les Boeing tombaient. Or, c'est un DC-10-30 qui m'a amené au Pérou, un Douglas. Et bien, lui, il n'est pas tombé. Faites-vous partie de la statistique ou pas? Il y a combien de gens par année qui doivent mourir d'un accident d'automobile au Québec? Oui, la statistique le dit. Donc, on n'y manquera pas. C'est évident. Un enfant sur X doit naître mongol. C'est la statistique. C'est-à-dire l'acceptation banale d'un monde qui ne nous appartient pas, qu'on ne veut pas, mais on accepte, parce qu'on est collectif, de s'unir à l'ensemble des mondes. Et s'il y a des imbéciles dans l'eau, eh bien, qui viennent suffisamment ternir le monde dans lequel ils vivent, eh bien, on pensera que c'est notre monde. Et on acceptera bêtement qu'il y a eu une fausse couche, puis le bébé est mort à la naissance. Mais ça, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Au nom du fait que la statistique, l'association collective des phénomènes prouve que... Alors, parmi les personnes qui sont ici, normalement, dans 2 ans ou dans 3 ans d'ici, il devrait y en avoir 3 ou 4 qui vont être décédés dans un accident d'auto. C'est stupide. Mais la statistique le prouve. À un moment donné, il y avait une annonce à la télévision, une chance sur 13 d'avoir un accident d'automobile. Chance sur 13. Fait que moi, je m'organisais toujours pour être le 11e dans la file. Pourquoi? Parce que nous acceptons très facilement et très banalement de nous assujettir à un collectivisme qui, de plusieurs façons, est nuisible. Collectiviste au niveau de la conscience, pour l'instant, c'est le premier collectiviste qu'on doit abandonner. On travaille encore en groupe, c'est utile. Tout à l'heure, je l'ai dit. Plus il y aura d'humains qui vont vouloir changer le monde à leur façon, plus le monde va changer. Sauf que c'est un peu long. Pourquoi c'est un peu long? Parce que simplement, lorsqu'on change notre monde, on influence nécessairement le monde de la mort, qui est un monde parallèle qui collectivise les autres mondes parallèles. Et nécessairement, immédiatement, tout le monde est informé de votre changement. Et tout le monde astral au complet s'unit pour vous bien vous faire comprendre que, wow, patate, ça se fait pas, ce que tu veux faire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est utopique. On dit pour qui te prends-tu? On dit t'es malade. On dit, ben oui, voilà. Puis on dit, il y en a d'autres qui ont pensé comme ça, puis qui ont essayé ça, puis ils sont cassés à la gueule. Qu'est-ce qu'on en sait qui sont cassés à la gueule? C'est notre vision, nous autres, de leur vie. Mais eux autres, ils ont vécu quoi? Ah, oh, ça, pas intéressant à savoir, ça. Fiez-vous, collectivistes. Alors, de quelle façon un monde parallèle ou la vision des mondes parallèles peut nous permettre d'alléger son fardeau? Pas fiscal, pas encore. Karmique, en tout cas. Ah bien, c'est simple. Et il y a une grande, grande, grande différence entre être positif et voir le monde comme on veut voir le monde. Faisons attention. Une fleur, c'est une fleur. Ça peut être laid, ça peut être beau. La rose, elle plaît à la femme. Pourquoi? Parce que la femme se plaît de recevoir une rose. C'est pour ça. Parce que collectivement, c'est standard. Le gars, il aime son auto, peut-être. Puis il a minouche, puis il a l'air, puis il parle. Ben, il peut rentrer dedans sans problème, hein? Alors, c'est ceux qui l'aiment plus. Il n'y a que son cochon ici. Là, moi, j'ai dit que le gars peut rentrer dans l'automobile, c'est tout. Mais pas de te plugger sur le même monde parallèle que moi. Oh, c'est indéniable. C'est une automobile. Parce que l'homme, parce que la femme ont été éduqués par des parents, qui avaient été éduqués par des parents et qui avaient été éduqués par des parents à vivre un socialisme d'évolution, à vivre un patriotisme d'évolution, à vivre une normalité d'évolution. Lentement, vous avez appris à voir le monde comme vos parents avaient appris à voir le monde, comme leurs parents avaient appris à voir le monde, et finalement, comme le monde a toujours enseigné aux gens comment voir le monde. Les Américains ont appris que l'impérialisme américain, c'était bon. En Libye, on dit non. Et dans d'autres pays, on dit non. Qui a raison? Les deux ont raison. Si je serais Libyen, je voudrais détruire l'impérialisme américain. Si je serais Américain, ben, je n'aurais rien contre l'impérialisme américain. Tant qu'il me fournit mon Walkman, mes cassettes. Alors, les mondes parallèles, c'est des choses qui sont existentielles, qui existent. La seule nuance, c'est que l'homme peut accepter de vouloir connaître son monde à lui et le dissocier d'une vision collective du monde des autres. Je répète, la chaise ici, vous la voyez comment? Je ne le sais pas. Je ne le saurai jamais. Pourquoi? J'ai même de la difficulté moi-même à savoir comment je la vois. Parce que je me plug à un collectiviste qui fait en sorte que je vois la chaise. Mais selon mon code génétique, selon mon évolution amique, selon mon évolution au niveau de l'esprit, selon différents phénomènes chez moi, je colorerai, j'aurai un petit peu d'intentionnalité pour colorer la vision que j'ai de ce fauteuil collectif, et j'aurai quand même des petites nuances dessus qui pourront me faire dire qu'il est beau ou qu'il est laid. Nous avons appris à appeler cette couleur noire. Mais rien ne dit que nous voyons le noir de la même couleur. Nous avons appris à appeler le blanc, blanc. Mais rien ne dit que pour tous les yeux, tous les cerveaux et toutes les âmes, le blanc est le même blanc. Alors, un aime telle peinture, l'autre ne l'aime pas. Un aime telle maison, l'autre ne l'aime pas. Il faut faire attention, on ne voit pas la même chose. Alors, vouloir raisonner quelqu'un à aimer, c'est ce qu'on peut appeler apprendre à aimer les bonnes choses de la vie. Eh bien, c'est simplement collectiviser un peu plus l'individu pour que finalement, il s'accroche à la vision que nous avons. C'est ce qu'on appelle, dans les milieux familiaux et scolaires, l'éducation. Forcer l'humain à voir le monde comme les autres humains voient le monde. On ne peut pas exprimer une conscience divine dans un monde collectif. Pourquoi? Parce que chaque être humain a une vision à lui de ce que peut être une conscience divine. Donc, nécessairement, ça devient illégal d'être quelque chose d'autre que les autres. On ne peut pas exprimer un amour intelligent si on attend que l'humanité l'exprime. L'humanité étant assujettie à exprimer un amour psychologique, une coloration de l'amour intelligent, nécessairement, si on attend après lui, on est fait. On ne peut pas exprimer d'intelligence radicalement dans un monde collectivement relié. Je ne parle pas d'intellectuance, je parle d'intelligence. Par contre, on a chez nous le maître contrôleur de ce qu'il voit. On a chez nous quelque chose qu'on peut appeler l'homme, qui est autre chose que le corps physique, que le corps vital, que le corps astral, mental, supramental, bouddhique et divin. C'est un quelque chose, un amalgame qui permet l'union de tous ces plans lorsque les plans sont suffisamment prêts à être amalgamés, à être fusionnés. Nous avons la possibilité chez nous de changer ce qui perçoit. Pas de nous positiviser, de changer ce qui perçoit les mondes parallèles. La première chose, c'est de devenir individuel dans notre conscience. La première façon de devenir individuel dans notre conscience, c'est de décoder comment on est manipulé par autrui. De décoder comment on est manipulé par les événements. De décoder un paquet de choses. Un jour, vous vous levez et la température du dehors vous rend heureux. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, il y a un quelque chose de génial. Et un autre jour, vous vous levez et ça ne va plus pantoute. Mais non, vous ne voyez pas le même monde. Et nécessairement, vous allez en vivre d'une résonance collective qui n'est pas très intéressante. Lorsque l'on dit « Ah merde, il fait encore mauvais », peut-il réellement faire mauvais sur la Terre? Il pleut. C'est ce qui nous alimente. Ça permet la pousse des plantes, ça entretient les animaux, ça purifie notre ciel, l'atmosphère. Il fait mauvais. Il fait trop froid. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de serpent venimeux au Canada? Mais on se plaint. Oh, c'est évident, ce qu'on veut avoir, c'est un monde où il va faire juste pas trop chaud, juste assez chaud, où les cocotiers vont sortir des fruits qui s'appellent banana split. Hein, c'est ce qu'on veut. Et puis, on veut des choses dans le genre, mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que c'est possible. Mais pas dans ce monde. Pourquoi pas dans ce monde? Pas dans l'alliage de 5 milliards 200 quelques millions de mondes. Pas là-dedans. Alors, il y a des personnes qui se nourrissent de porc et le digèrent bien. D'autres s'en nourrissent et sont malades. Ils ne mangent pas la même chose. Mais ils ont appris à appeler ensemble cette chose-là, porc ou cochon ou jambon ou n'importe quoi. Mais est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce qu'on mange réellement la même chose? Je goûte à mon jus d'orange, prends-en une gorgée. Ah, ben là, on a bu la même chose. Prouve-moi-le. Mais il y en a qui le trouvent bon, puis il y en a qui le trouvent pas bon. C'est simple. On n'a pas bu la même chose. L'être humain a une pensée qui est collectivisée, collectivisante et qui est engrenée, archangélisée, orchestrée, manipulée, dirigée, de façon à ce que tous les êtres humains semblent et expriment une conscience où ils vont vivre tous en même temps sur la même planète. Mais c'est faux. Présentement, je suis seul devant une salle vide. Et vous êtes tous assis sur une chaise, dans une salle vide, à regarder quelque part en avant, où il n'y a personne. Mais étant donné que votre vision, ainsi que la vision de tous les individus, ainsi que la mienne, ainsi que de ceux qui vivent du centre de l'universalité, reliés dans un monde astral où notre pensée et où notre conception du monde prend naissance dans le début, est intimement relié, et bien nécessairement, nous allons tous lentement nous juxtaposer les uns à côté des autres. Et nous pourrons dire, eh bien voilà, nous sommes un groupe. Mais par respect de cette illusion, nous allons nous interdire d'occuper tous la même chaise. Par respect de l'illusion, pas par respect de l'autre. Par respect de l'illusion d'un monde collectif, d'un monde où finalement il n'y a pas de libre-arbitre, d'un monde où lorsque tout va bien, il y a toujours un imbécile qui vient mettre le yard. D'un monde où quand l'océan est pur et bas et propre, il faut qu'il y ait un capitaine imbécile qui vient vider ses réservoirs d'huile dans l'eau. Un monde où finalement tout est parfait pour être parfait. Il semblerait que la guerre fait partie des perfections, la pollution fait partie des perfections et ces choses-là. Il n'y a pas de libre-arbitre parce que l'être humain est collectif. Il y a des destinées collectives, il n'y a pas de destinées individuelles. Sauf que l'être humain doit apprendre des petites mécanicités, petites choses par petites choses. Il doit commencer par ce qui est facile. Alors, au moins décoder des choses et ces petits symptômes bien banaux. L'amour qui existe sur la planète, c'est une vraie merde de commencer par décoder ça. C'est un amour qui te fait dire, « Ben oui, mais tu peux pas me faire ça, je t'aime! » Ah bon? Bon, tu m'aimes, fait que je suis pogné. Un monde où c'est ses premières souffrances d'amour, c'est normal. Mais cet amour-là, c'est un amour qui est vraiment un problème. Les Russes s'aiment tellement qu'un jour, ils risquent d'envahir les États-Unis. C'est l'amour. On a fait des croisades au nom de l'amour de Dieu. On a tué au nom de l'amour. Je l'aimais tellement, je ne pouvais pas permettre qu'elle vive avec un autre. Ouais, c'est l'amour. Alors, on doit décoder que l'amour est une merde. On doit décoder aussi qu'on n'a pas de libre-arbitre. Oh, mais c'est quand même moi qui décide. Non, c'est pas toi qui décide. Parce que si c'est toi qui décide, tu es millionnaire depuis longtemps. Tu es immortel. Tu changes de femme ou de mari souvent, quand l'autre ne fait plus l'affaire. Ou tu as le créé de toutes pièces. Tu as les enfants que tu veux, qui ont les notes que tu veux. Tu as l'automobile que tu veux, qui ne roule jamais, qui ne prend jamais d'essence. Tu n'as jamais d'accident, tu n'es jamais malade. Tu n'as même pas besoin de dormir, ni de manger, sauf quand tu as le goût de manger des choses par goût. Tu es toujours en vacances et en voyage. Si tu as un libre-arbitre, c'est ce que tu vis. Alors là, j'avoue que si tu es venu, c'est que tu as décidé de venir. Mais je ne sais pas pourquoi. Par contre, si on n'a pas de libre-arbitre, mais qu'on a une illusion de libre-arbitre, on passe notre vie à lutter pour obtenir des choses qui ne sont pas prévues dans un monde où tous les mondes parallèles sont collectivisés en un monde. Parce qu'à travers cela, il y aura l'individu qui n'aura pas pris conscience qu'il peut se créer une pomme et qui verra que tu as une pomme et qui sera jaloux de ta pomme et qui finalement, dans le monde collectif, finira par te manipuler suffisamment pour te donner l'illusion que tu perds ta pomme. Alors, on engendre des guerres célestes dans un monde parallèle collectivisant. Et lorsque dans ce monde, on pense être fait tuer, on accepte bien volontiers de lâcher le corps. Ou d'être malade, d'être blessé. On fait une petite pause de 15-20 minutes. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi. Et puis, on revient.